Chapitre 204. La recommandation d'accomplir les prières facultatives à la maison, qu'elles soient attachées aux prières obligatoires ou non, et l'ordre de séparer les prières obligatoires des facultatives en changeant de place dans la mosquée ou par une parole. 1128. D'après Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ô gens, priez dans vos maisons, car la meilleure prière de l'homme est celle qu'il accomplit chez lui, excepté la prière obligatoire. » Al-Bukhari et Muslim. 1129. Selon Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Réservez une partie de vos prières parmi les facultatives pour vos maisons, afin de ne pas faire de vos demeures des tombes. » Al-Bukhari et Muslim. 1130. D'après Jabir, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Lorsque vous avez terminé votre salat à la mosquée, accomplissez certaines de vos prières parmi les facultatives chez vous, car grâce à elles, Allah mettra assurément un bien dans vos maisons. » Muslim. 1131. Omar ibn Atta rapporte que Nafi' ibn Jubair l'envoya chez As-Sa'ib, le neveu de Namir, pour l'interroger sur une chose que Muawiyah l'avait vu faire dans la salat. Il dit « J'ai en effet accompli la prière du vendredi avec lui dans l'enceinte réservée de la mosquée, Al-Maqsoura, et lorsque l'imam a prononcé les salutations marquant la fin de la salat, je me suis levé, et tout en restant à ma place, j'ai accompli une prière facultative. Une fois rentré chez lui, Muawiyah me fit venir et me dit « Ne recommence plus. Il ne faut pas, après la prière du vendredi, prier directement sans avoir avant cela parlé à quelqu'un ou quitté la mosquée. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous a en effet ordonné de ne pas faire suivre une prière obligatoire par une prière facultative avant d'avoir parlé ou quitté la mosquée. » Muslim. 1132.